on peut vous amputer beaucoup, ça n'a rien changé. Et ça ne changera rien. Parce que tant que nous ne le changeons pas, Allah ne changera pas les peuples. Tant que vous ne changez pas. Il faut d'abord qu'on change nous, pour qu'Allah fasse le reste. Ça y est, c'est pas grave. On continue. On a levé la main, ils ont donné conseil, et tout ça, ça. Maintenant, Fi'lam, c'est un jihad. En supposant que c'est un jihad, c'est une personne contre les mécréants et les musulmans. Si tes parents ne sont pas d'accord pour que tu partes, tu ne pars pas. Si ton père et ta mère, ils sont vivants et disent, je ne veux pas que tu partes à la guerre sainte, tu n'as pas le droit de partir. Si tu leur désobéis, tu fais un grand péché. Et puis, Salat Sram, il dit à des jeunes qui sont venus le voir, oh, Ya Rasulallah, je veux faire le djihad avec toi. Il leur dit, est-ce que tu as tes parents vivants? Oui. Est-ce qu'ils sont d'accord? Non. Retourne, parce que tu n'as pas guéri. C'est alors avec eux que tu dois rester et que tu devras combattre, c'est-à-dire les aider. Tu dois les aider dans leur vie. Un autre sahabi qui est venu voir le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, Ya Rasulallah, je vais faire le djihad avec toi. Il a dit, oui, est-ce que tu as tes parents? Il a dit, oui. Et comment ils sont d'accord ou pas? Je vais laisser pleurer. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Il a dit, bah, retourne les voir et fais les sourires comme tu les as fait pleurer. Retourne les voir et fais les sourires comme tu les as fait pleurer. Donc, il y a beaucoup de conditions. Si par contre, tes parents ne veulent pas que tu sois, tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Et tu ne peux pas me dire, oui, mais tu sais, ils ne comprennent pas comme nous, on comprend et on voit la vision des choses. Ils sont des musulmans? Oui, ils ont de l'obéissance. C'est tout ce que je fais, moi. Ils ne sont pas dit de en restant ici, ils ne sont pas dit de me croire en Allah, pas, non, c'est leur obéissance. En plus de ça, se forme quel groupe il n'est pas d'accord avec tel groupe, et quel groupe il n'est pas d'accord avec tel groupe, et ce sont des musulmans qui, soi-disant, combattent pour la même cause. Mais ces groupes-là, ils seraient capables de se combattre toi avant de combattre les autres. Et ça, on l'a vu en Afghanistan. En Afghanistan, il y avait comme ça des groupes, soi-disant, qui, à l'époque où il y avait la guerre contre les Russes, à cette époque-là, dans les débuts, ils étaient l'un dans la main. Et après, il y a eu des problèmes, et chacun a voulu le pouvoir, et le profit, et le trône, et ceci, cela. Alors, ils se sont divisés petit à petit. Il y a eu comme ça sept grands groupes. Il y a des frères qui nous ont raconté, pendant que nous, on ne vous dit pas la bonne rime, on les a rencontrés. Ils revenaient de l'Afghanistan. Ils nous ont dit, quoi, l'Afghanistan, c'est le djihad, c'est là. Il n'y a pas de djihad dans l'Afghanistan. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait, on avait des armes. On est tombé contre un groupe de moudjahidis qui voulaient nous tuer pour prendre nos armes. On leur a dit, on est avec vous. Ouais, l'eau. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont voulu nous tuer pour prendre nos armes. On est pas sur le djihad. On est dit, c'est le djihad. Tu es venu. Les gens, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêts encore. Ils ne sont pas prêts. On va pas loin. Avant de parler même du djihad, on va pas loin. Qu'est-ce que tu connais de ta religion, toi? Qu'est-ce que tu connais de ta religion? Est-ce que tu as appris ta religion, l'essentiel de ta religion, pour par exemple, quand tu rentres à la mosquée, tu vois l'imam, il a fait de la rakat, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Je sème pendant que je suis en train de ma prière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Je jeûne pendant le mois du ramadan sans faire exprès, j'ai bu, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'argent, je veux faire ma jaquette, mais qu'est-ce que je dois sortir? Le pèlerinage, tout à l'heure, quand je faisais le pèlerinage. Je vais aller faire le pèlerinage, mais je ne sais pas faire le pèlerinage. Si l'imam n'est pas là, personne ne peut le remplacer. Est-ce que tu es apte à remplacer l'imam? El Mouaddin, celui qui fait l'appel à la prière, il n'est pas là. Est-ce que tu peux aller faire l'appel à la prière pour dire que l'heure de la prière est rentrée? L'imam n'est pas venu et on a besoin de lui pour faire un mariage entre un frère et une sœur. Est-ce que tu es apte à aller faire le mariage pour ton frère et ta sœur? On a un défunt. Est-ce que tu es apte à aller le laver? Est-ce que tu sais laver un mort? Est-ce que tu sais l'envelopper de son linceul? Est-ce que tu sais creuser une tombe? Même la tombe, elle a, dans la jurisprudence islamique, elle a des conditions. On creuse pas n'importe un trou, là. Il y a une dimension bien précise dans la sunna. Est-ce qu'on sait faire ces choses-là? Le frère est atteint d'une maladie spirituelle. Est-ce qu'on sait réciter les versets qu'il faut pour que l'Ibn-Allah soit la cause de la guérison? Vous l'avez le djihad et le djihad. Ton cœur n'est pas propre. Ton cœur il a encore de la haine. Quand tu dors, c'est de la haine contre ton frère. Tu dors, mais c'est de la haine contre ton frère. Ça y est, alhamdoulilah, dans la famille, tout se passe bien. Ton voisin, il crie la faim, ça fait 6-3 jours, il n'a pas mangé. Est-ce que tu as allé frapper à sa porte et lui dire, c'est un voisin? Est-ce que tu allais demander si tout allait bien? Ton voisin, c'est tout ton voisin, va très bien. Là, c'était un petit résumé, hein. Mais je pourrais encore continuer comme ça longtemps. يرون الحج والجهاد باقين مستمرين مع أمور المسلمين. On ne dit pas que le djihad n'existe pas. Le djihad, il va venir. Le vrai djihad qui sera la détermination du vrai et du faux. Est-ce que ce sera nous qui combattrons les mécréants? Allah, si on fait partie de cette vie-là, Inch'Allah, qu'on soit parmi les rangs des musulmans qui combattront les mécréants. Si on ne fait pas partie de cette vie-là, ce sera sûrement nos enfants ou bien les enfants de nos enfants. Mais nous, est-ce que ce sont nous qui allons mourir sur le front? Ou est-ce que ça va être ces chrétiens, mécréants qui vont mourir et la cause ce sera nos mains. Allah alam. Mais le djihad, il va venir, parce que le prophète sallam, il a dit qu'il va venir. Et on croit en ce que le prophète sallam, a dit. Je dis ça pour pas que les gens puissent dire, ouais, mais alors c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on est en train de raconter, mais pas les djihad, mais alors voilà, en vérité, c'est contre le djihad. Je ne suis pas contre le djihad, je suis pour le vrai djihad. Le vrai djihad. Une fois que tu auras combattu ta nef correctement et que tu auras mis en application la religion totale dans ta vie, mais quand je dis totale, c'est-à-dire que là tu seras prêt, là que tu peux aller faire du djihad. Donc, ويرون الحج والجهاد باقين مستمرين مع أمور المسلمين نعم عفوا أمراء المسلمين avec les dirigeants musulmans بر وفاجر كانوا avec donc les pieux ou bien les pervers لا يبتلوهما شيء ولا ينقذوهما ولا يرفع حكم وجوبها وذلك إلى قيام الساعة. Et donc on ne peut pas dire que le djihad ce n'est pas un fard, ce n'est pas une obligation, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une différence entre l'obligation personnelle, ce qu'on appelle fard de Aïn, que ça c'est obligé pour toute personne, et ce qu'on appelle fard de Kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire. C'est-à-dire que si une partie de la communauté y va, d'autres parties, elle n'est pas obligée de partir. Si même en personne y va, là c'est tout le monde qui est fautif. D'accord ? Kullu dhalika ma'a al-a'immati al-'uduli wal-jawrati. Donc, et ce djihad-là, il se fera que ce soit avec des pervers ou des pieux. Et Dalil, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, à son époque, durant toute sa vie, il a été enfermé où ? Il a été enfermé en prison. Mais les gouvernants, à chaque fois qu'ils avaient besoin de lui, parce que lui, il avait le verbe, il savait comment parler au peuple, il le faisait sortir. Il dit, bon, maintenant, il faut qu'il fasse sortir les foules, pour que les foules partent au djihad. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait la parole. Et il parlait pareil. Les foules, tu vois, ça y est, ils allaient exploser. Et ils partaient. Une fois qu'il partait, hop, lui, il retournait en prison. Est-ce qu'un jour ou l'autre, il a dit à la foule, levez-vous contre vos gouvernants et faites-moi sortir de prison ? Il aurait fait, ça serait du jour au lendemain, ça y est, plus de gouvernants. Il l'a fait sur les années 21 ? Il l'a pas fait. Tous ses livres, la plupart de tous ses livres, et il en a écrit des livres, ils ont été écrits en prison. Ils ont été écrits en prison. Il aurait très bien pu dire, il aurait très bien pu dire, oh peuple, réveillez-vous, regardez, je suis emprisonné. Emprisonné, faites-moi sortir, n'importe quoi, tu vas de la sorte. Pas de problème. Ça, il n'a jamais fait. Parce que ça va à l'encontre de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. فالجائر قوته للمسلمين وجوره على نفسه. Si maintenant on a affaire à un gouvernement tyran, le mal il est pour lui. Le mal il est pour lui, tu vois. Il n'est pas pour les. Il n'est pas pour les musulmans, le mal il est pour lui. Bon, bien sûr, son mal, il se répercute si nous on est mauvais, il se répercute sur nous. Si nous on est bon, non, son mal il reste là-bas. C'est pour ça que quand on fait des du'as pour quoi ? Pour qu'Allah le guide. Parce que si Allah le guide et qu'après de lui sorte le bien va se répercuter à la masse, au peuple. Si on fait des du'as contre lui, en fait son mal il va rester, son mal il va être partagé. أما إن خرج من الإسلام فذلك شيء آخر. Donc, madame baqina fi hadarat al-islam, tant qu'ils sont musulmans. C'est-à-dire que ce gouvernement, tant qu'ils sont musulmans, on leur devra obéissance. Dès qu'ils vont sortir de l'islam, on leur devra obéissance. أما إن خرج من الإسلام فذلك شيء آخر. S'ils sortent de l'islam, comme on vous a dit, alors là, c'est un autre débat. Inch'Allah, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on verra la suite. Wa subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vous vous rapprochez bien, Inch'Allah. Donc pour ceux qui ne connaissent pas David, c'est un frère maintenant qui fait à peu près 3 mois, alhamdoulilah, je crois, un peu plus, hein, qui suit régulièrement les cours ici. On a laissé réfléchir et prendre son temps. Et nous, dans nos habitudes, on ne ferait jamais les gens. Les gens, quand ils sont sûrs, ils viennent de par eux-mêmes. On ne force pas les gens. Alhamdoulilah, fait ses recherches. Déjà même depuis avant de venir ici, il a commencé à faire ses recherches. Alhamdoulilah, il a fréquenté des frères qui sont bien. Voilà, vous êtes à la mayahab. C'était ça aussi d'ailleurs, c'est ça. Il va voir ses affaires. Donc c'est pour ça, Inch'Allah, qu'il a opté pour la religion de l'islam. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah, il est prêt et il est décidé à rentrer dans la religion. Donc nous, on va se répéter avant de qu'il rentre dans la religion. C'est que, après tes recherches, David, tu sais quels sont maintenant les interdits et tu sais quels sont tes devoirs. Les interdits, les plus gros interdits sont bien sûr chef de mer, associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, on associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est unique dans la seigneurie, comme dans la divinité, comme dans celui qui va te dire. C'est la première des choses. Mais alhamdoulilah, tu l'as reconnu en tant que seigneur et maître, tu dois juger des frères, tu dois lui donner donc adoration. C'est la première des choses. La deuxième des choses, on a des obligations, des devoirs, telles que la prière, telles que le mois du ramadan, telles que la zakat, le monégal pour celui qui en a les moyens, bien sûr, et le hajj aussi pour celui qui en a les moyens, financièrement, comme tous les autres moyens, le plus important pour l'invocation. Donc, ce sont les devoirs. Bien sûr, il y a d'autres devoirs qui sont lesquels sont, c'est de ne pas manger de terre, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fréquenter les femmes. Si tu veux te marier, alhamdoulilah, les portes sont ouvertes du mariage. Si tu ne te dis pas d'une femme, il y en a une deuxième, par exemple, jusqu'à quatre. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Donc, de ne pas, bien sûr, voler, mentir. Tout ça, ça rentre dans l'éducation après, tu vois, dans l'instruction que tu auras. Et ça, ce sont des choses que même, par principe de vie, on n'a pas à faire. Les gens l'ont dit, j'en ai. Bien, donc, où ça j'en ai fait? Pour une façon de dire. Voilà, ouais. Ça, ce sont les choses élémentaires de la vie. Les choses principales, c'est ça. Il y a aussi une autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. Oui. On reconnaît tous les prophètes. On n'a pas un prophète qu'on ne reconnaît pas. On reconnaît tous les prophètes, y compris Isa, le salam Jésus. Mais Isa, c'est un prophète d'Allah, ce prophète d'Allah. Alhamdoulilah, tu es au courant, mais c'est un rappel, parce que le rappel est pratique au courant. Donc on reconnaît la prophétie de Shafet, on reconnaît tous les livres qui ont été descendus, la Torah, l'Évangile, les psaumes, les feuillets, le Coran, on reconnaît tous ces livres-là. Mais les livres à suivre, les derniers livres à suivre, c'est le Coran. Parce que tu le sais aussi, on croit à la prédestination au bien ou au mal, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que tout est prédestiné. Et tu n'auras que ce qui t'a été écrit. Et tu ne pourras pas avoir ce qui ne t'a pas été écrit. Toute chose vient à un temps bien déterminé. Selon que la personne soit prête ou pas. Si la personne est prête à accepter et à recevoir, Allah lui donnera. Si elle n'est pas prête, Allah ne lui donnera pas. Donc il ne faut pas se presser. Chaque chose vient en son temps. Et autre chose, il se peut qu'avant ton islam, tu sois quelqu'un de riche, il se peut que tu sois quelqu'un qui n'a pas été prouvé. Il y a beaucoup de choses comme ça, des facteurs. Après ton islam, Allah a été prouvé dans tes biens, dans ta santé, auprès de ta famille. Alhamdulillah, la kullihan. Il faut patienter. Que tu es riche, ça peut être vite, alhamdulillah, il y a un bien. Que tu es bien dans ta santé, tu as frappé une maladie, je ne sais pas moi, un cancer ou quelque chose comme ça, c'est lui qui décide. Il ne veut pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut en parler, il faut que ça soit clair dans les esprits des gens, parce que des fois les gens, ils oublient ce petit détail-là. Ils disent, ouais, mais dans mon islam, j'étais bien, maintenant que je suis musulman, on m'a dit que l'islam c'était la bonne religion, que je serais bien dans ma peau, je ne suis pas bien dans ma peau. Alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préfère la vie de l'au-delà, comme la vie d'ici-bas. Alors là, on ne peut pas savoir. Donc il y a ça, on reconnaît dans tous les livres, on reconnaît aussi le jour du jugement dernier, il y aura un jour où on comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala, et on devra rendre compte de tous nos dires et nos actions. Et on croit bien sûr aux anges. Les anges, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les génies aussi, on y croit. Donc on n'a pas à croire en une partie du livre et en renier l'autre partie. Non, on croit à toutes ces choses-là qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et le chemin à suivre, Inch'Allah, c'est le chemin de tous les prédécesseurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Bien sûr, chacun, quand il va se convertir, qu'est-ce qu'il va lui dire à la fin, comme je viens de dire, il va le chemin à suivre, c'est votre chemin. Donc il faudra suivre ça. Alhamdulillah, tu es grand vacciné majeur, tu sais tout ce qui est bon pour toi et pour la communauté et pour ton islam. Jusqu'à présent, ça fait maintenant depuis 3 mois ou plus que tu viens ici. Si tu avais vu quelque chose de bizarre, je sais que tu aurais été le premier à partir. jusqu'à présent, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de protocole, il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu ceci, cela. Maintenant, c'est à toi de juger. Aujourd'hui, Inch'Allah, tu vas rentrer dans l'islam, donc tu vas devenir musulman. Aussi, il y a un point. La circoncision, tu n'es pas obligé de la faire tout de suite. C'est mieux de la faire. Tu n'es pas obligé de la faire tout de suite. Prends ton temps. Parce que des fois, les gens vont dire, ah oui, maintenant, c'est plus musulman, il faut que. Non. Tu as ton temps, mon frère. Tu l'as fait, tu l'as fait, tu ne la fais pas tout de suite quand tu seras prêt. Il y a des gens qui peuvent me dire, oui, mais c'est obligé, si tu ne fais pas, tu ne me requins pas. D'où ? Il y a un moment d'un. Donc, le moment d'un, c'est ce petit point. D'accord ? Un conseil aussi, au sein de ta famille, les gens, les proches, tout ça, tu n'es pas obligé de leur divulguer ton islam tout de suite. C'est toi qui connais ton alentour, ton entourage, et tu sais qu'il est bon de commencer à faire la prêche ou pas. Quand ça viendra, et quand tu seras capable, et que les maîtres seront capables de recevoir le message qui est le message de l'islam, tu le feras. Mais attendez, comme toi tu es venu aujourd'hui, laissez eux aussi venir. C'est ça la sagesse. Donc, si tu es prêt, après tout ce qu'on a dit, à devenir musulman, on va faire Shahadatayn. Tu es prêt, hein? Je suis prêt. D'accord. Donc tu répètes derrière moi, Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله ما شاء الله كما تقول في كتابي داود لسان الناس داود فرمني فتذكر من يجعل تاسع سطر داود بنا تاسع داود بنا بصر ولا تلغى داود جديد mais aussi aussi un autre point, il y a certains frères des sœurs par exemple qui se convertissent comme ça à l'islam, et ça ils vont faire prénom français. Il ne faut pas leur rendre la vie difficile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu demandes mon frère, si tu vois par exemple avec des non-musulmans, appelle-moi David. Il ne faut pas si tu emballes, tu dis non, moi tu es venu musulman, je ne peux pas avoir honte, tu t'appelles David. Mais, non, si tu dis appelle-moi David, appelle-moi David. Entre musulmans, t'appelles David et reconnais tout ça. Mais des gens, parce que peut-être que lui, il sait quoi, que toi tu ne sais pas. Il faut dire appelle-moi David, appelle-lui David. C'est tout. Il ne faut pas dire, mais maintenant c'est musulman, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. T'inquiète pas, s'il est venu à l'islam, il sait pourquoi il est venu à l'islam. Et il sait ce qu'on a maintenant, ce directif. Et Alhamdulillah, Inch'Allah, il est en communauté avec nous. Je suis en train de faire un déjeuner.